changements innombrables par bien des hauts et des bas. En dépit de l'orage, je te suis de près. Danger et épreuve forgent l'amour vrai et la passion. Les saveurs s'enchaînent. L'automne finit, chaque les fleurs nouvelles. On les aléa d'une vie de soldat. Je connais ton cœur. Tu souffris. Souris.